Le PowerPoint va rouler vite. Les diapositives, je ne sais pas si ça se dit encore aujourd'hui, en tout cas. Ça va rouler vite. Fait qu'il faut rester allumé. C'est bon, ça? Puis là, j'en ai à peu près quoi? 25 qui sont en arrière de moi que je ne vois pas actuellement. Ne fermez pas les yeux. OK? Même si j'ai demandé aux autres de ne pas regarder le voisin de gauche, le voisin de droite. Ça, pour ça, vous avez le droit de regarder. Petit coup de coude, ne manquez rien de cette présentation. Alors, on va tout d'abord commencer en lisant le texte. Puis par la suite, on va aller en détail dedans. Donc, tournez avec moi dans Romains 12, les versets 9 à 21. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Quand je vous ai dit que j'avais manqué dès le départ cette semaine, là, c'est ça. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On va prier. Seigneur grand Dieu, je relis ce texte-là ce matin, puis je me dis, oh boy, comment faire pour respecter ta parole? Peut-être qu'on a une semaine ou une journée que ça va mieux, et dès le lendemain, c'est plus difficile. Seigneur, on te demande ce matin de parler à nos cœurs. On le sait, Seigneur, depuis que tu as créé le monde. On sait, Seigneur Dieu, que tu avais un plan merveilleux pour nous. Puis, malheureusement, en tant qu'humain, on a vraiment échoué. Mais heureusement, en tant que Dieu, tu as pallié un moyen qui est Jésus-Christ. Puis ce matin, c'est ce qu'on veut se rappeler. On n'est pas parfait ici présent. Au moment où je suis rentré dans l'Église, j'ai en quelque sorte sali l'Église, si je pense juste comme ça. Mais tu m'as pardonné, Seigneur. Et donc, je suis rentré ici avec la satisfaction de t'appartenir sans le mériter. C'est par ta grâce qu'on est sauvé, Seigneur, puis on va se le rappeler ce matin parce que ce qu'on va voir, ça va être dur si tu n'es pas dans l'équation. Merci d'être présent dans nos vies. S'il y a des gens ici présents, Seigneur, qui ne t'ont pas encore remis leur vie entre les mains, je te demande de faire une œuvre dans leur cœur dès ce matin. Au nom de Jésus, amen. Alors, on se rappelle que la lettre aux Romains est écrite par Paul aux Romains, OK, à des gens qui vivent à Rome. Et au premier siècle, Rome, c'est considéré comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'est un peuple puissant, c'est un peuple qui est en train de conquérir des territoires. Et à travers ça, on a des gens qui sont nouvellement croyants, nouvellement chrétiens. Ils viennent d'apprendre que Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Messie. Et on a affaire à des gens qui se réunissent ensemble, qu'aujourd'hui on appelle une église, et qui ont toutes sortes de visions différentes. Parce que là, tout ça est nouveau. Fait qu'il y en a qui croient que Jésus, c'est le Messie. Il y en a d'autres, ouais, je peux y croire un peu, mais il faut continuer à faire d'autres choses. Il faut continuer à faire la loi de Moïse, sinon ça ne marche pas. Et là, on a toutes sortes de visions. Et lorsque une église s'en va dans la vision que Dieu a pour eux, tout le monde fonctionne en unité. Sauf que dans la même église, souvent, on fait plus une équation du genre une vision plus neuf visions égale division. OK? Donc, on doit faire attention à ça. Et c'est la même chose, c'est comme ça en 2020, c'est comme ça au début du premier siècle. Donc, dans les années 50, 60, lorsque Paul a écrit cette lettre-là. Et ce matin, on va voir trois... Regardez ça. Si ça... J'ai-tu fermé? Bon, bien, ça se peut que je te fasse... Pèse sur le piton maestro. Exact. On va voir trois attitudes, plusieurs attitudes qui favorisent trois éléments. L'unité, l'humilité et la persévérance. Donc, on va commencer avec l'unité. On va voir des versets là-dedans. J'ai essayé de sortir des images. J'ai même fait des recherches cette semaine. Donc, on devrait essayer de comprendre certaines choses avec ça. Et par la suite, on va voir comment, en tant qu'Église, on peut appliquer ces choses-là. L'unité. Alors, on commence au verset 9, OK? Des attitudes qui favorisent l'unité. Et on commence dès le départ avec verset 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie. » Vous êtes d'accord avec moi que si on aime quelqu'un, mais que si on dit à quelqu'un « Je t'aime », mais que dans le fond de notre cœur, on l'haït, ça ne marche pas. Si on dit à quelqu'un « Je t'aime », mais que dans le fond de notre cœur, bof, j'espère que j'y ai fait plaisir en disant ça, c'est pas mieux non plus. Et je pense qu'une image qui démontre très clairement ce qu'on ne doit pas faire. Alors, ça, c'est un amour hypocrite. C'est d'aller vers l'autre, dire « Hey, salut, je suis bien content de te voir », mais dans notre dos, on n'est pas tout à fait d'accord avec la situation. On continue, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. » Je ne vais pas à chaque verset dire des choses comme je n'aurais pas une image à chaque fois, mais je pense que ça explique bien. « Par amour fraternel », on se rappelle que la lettre aux Romains a été écrite pour des frères. À combien de fois Paul dit « frères bien-aimés » Évidemment, on dit « frères » ici, on est en 2020. « Frères et sœurs, chers enfants dans l'assistance, vous les retraités, collègues de travail, on est tous visés par amour fraternel. » Donc, quand on dit qu'on est frères et sœurs en Jésus, c'est qu'on croit tous que Jésus nous a sauvés. « Soyez pleins d'affection les uns les autres. » Il n'y a pas d'ennemis dans une église. Ça ne se peut pas. Ce n'est pas un mot qui devrait rentrer dans une église. On est des frères et des sœurs. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 12, on est tous les membres d'un corps. On est différents. Je pense que ça, pas besoin d'aller trop loin là-dedans. On est tous différents, mais on est tous unis. C'est ce que Jésus veut pour nous. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Et ça, c'est intéressant. Je ne sais pas vous ici à Victo, nous à Shawinigan, dans d'autres églises, on a une tendance à vouloir faire du bien à la communauté. Je ne sais pas si vous vivez la même chose ici. Et c'est très bien, soit dit en passant, Jésus lui-même l'a fait. Il a donné à manger à des gens qu'il ne connaissait pas, il a donné à boire, il a fait des miracles à des gens qu'à première vue, il ne semblait pas faire partie de son peuple. Tout ça peut changer avec le temps, mais à la base, on est toujours surpris. Par contre, ici, ce que Paul nous demande, c'est de pourvoir aux besoins des saints. Donc, entre nous ici, on doit s'entraider. On doit pourvoir nos besoins. Il y a des gens plus riches ici, il y a des gens plus pauvres, il y a des gens qui ont beaucoup de temps, il y en a qui en ont moins. On doit tous être ensemble pour s'entraider dans tout ça. Et bien que nous soyons chrétiens ce matin, on est des Québécois. Puis, j'ai sorti une statistique qui est un peu troublante. Regardez bien ça. C'est une statistique qui partage, qui nous dit en vrai les dons de charité au pays, au Canada. Et ce qu'on va voir ici, c'est le don médian. Okay? Ce n'est pas la moyenne. Donc, le don médian, ça veut dire, par exemple, au Canada, le premier en haut, une personne donne 300 $ par année en œuvre de charité ou en organisation de bienfaisance. Ça, c'est le don médian. Ça veut dire que 50 % des gens donnent moins et 50 % des gens donnent plus. La moyenne au Canada, le don médian, c'est 300. Regardez au Québec. 130. On est les plus bas, financièrement parlant. Donc, je ne suis pas en train de vous apporter ici l'évangile de la prospérité. Au contraire, je suis en train d'exprimer que si nous voulons que notre Église ait un impact dans la communauté, bien, il va falloir sacrifier plus pour que l'évangile soit évident. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais pas d'argent, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de pasteur. Okay? Donc, c'est vraiment une question québécoise ici, et non pas juste victoriavilloise, c'est comme ça qu'on vous nomme ici. Oh boy. Donc, c'est vraiment un concept là, québécois là, qu'il faut réfléchir en tant que Québécois chrétien. Est-ce qu'on peut donner plus? Maintenant, peut-être parmi vous, vous allez dire, « Ouais, mais là, attention, là, Pat, là, peut-être qu'au niveau du bénévolat, c'est mieux. Hein, on donne peut-être plus de temps. » Ben non, toi. Pas mieux. Pas en tout. Regardez ça. Le Québec et le bénévolat. Évidemment, c'est un article de 2010. OK? Ça fait déjà 10 ans. Mais je suis pas mal convaincu qu'on est encore dans ces eaux-là. Alors, la Saskatchewan avait le taux de bénévolat le plus élevé. Où est-ce que 58 % des gens de 15 ans et plus offraient du temps à quelqu'un ou à un organisme? Les taux les plus faibles, bien, on est ex aequo avec les territoires du Nord-Ouest, donc le Québec à 37 %. On est encore une fois les plus faibles du Canada pour ce qui est de donner de notre temps à une organisation et très certainement à des gens qui nous entourent. Donc, lorsque Paul nous dit de pourvoir aux besoins des saints, à ce moment-là, il parlait aux Romains. Mais encore aujourd'hui, ça a un impact pour nous. On a quelque chose à faire, on a quelque chose à s'améliorer, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, le premier. D'ailleurs, après cette semaine, j'ai fait, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus? » Tu sais, je travaille, j'ai une bonne job, ma femme a travaillé, elle a une bonne job. Peut-être qu'au niveau du temps, c'est plus difficile, mais au niveau de l'argent, on doit être capable de faire quelque chose de plus. Donc, prions là-dessus. On poursuit au verset 14, hein, des attitudes qui favorisent l'unité. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Donc, toujours restez dans le bien. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ça, c'est vraiment comique parce que je n'avais pas d'exemple, puis Éric nous en a apporté une tantôt. Vous avez une sœur dans l'Église qui vient de se réjouir parce qu'il vient d'arriver quelque chose dans sa famille d'extrêmement positif. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou pleurer de joie actuellement, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Puis en tant que Québécois ou en tant que personne humaine, notre idée souvent, c'est quand quelqu'un a de la joie, on devient envieux. Puis quand quelqu'un pleure, on est indifférent. Mais comme chrétien, ni une ni l'autre n'est bon. On doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent, qui ont de la joie, et pleurer avec ceux qui pleurent. On est ensemble. C'est ça l'unité. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Encore une fois, c'est des choses quand même difficiles d'avoir les mêmes sentiments. Dieu ne nous a pas fait comme étant des robots. Hein, il ne nous dit pas « maintenant souriez, virez à gauche ». C'est pas comme ça que ça se passe. On est tous différents, c'est ça qui est beau. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est pas de penser tout pareil, d'avoir une pensée unique dans l'Église. Impossible. Puis si à un moment donné, vous dites que c'est possible, bien souvent, c'est parce que c'est peut-être un peu... La personne dit « oui, oui, je vais vous suivre », mais dans le fond de son cœur, elle n'a pas nécessairement le goût. On est tous différents, mais ce qui est important ici, ça, c'est une église qu'on voit là. Hein? On a des gens calmes pour le même sujet. Je vous apporte un sujet ce matin. On voit des gens qui vont rester calmes. Il y en a qui vont être heureux, joyeux, déprimés, tristes, fâchés, en colère, étonnés, effrayés pour le même sujet. Hein? Chacun, dépendamment de ce que vous avez vécu dans votre vie, votre expérience personnelle, vous allez avoir des réactions différentes. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être en harmonie. Harmonie, on pense tout de suite à un orchestre symphonique, hein, où on regarde le groupe en avant. Tout le monde avait un instrument de musique différent. Si tout le monde part avec son idée, il y a une couple qui serait sortie, je pense, ce matin. Hein. Ça aurait été cacophonique, il y aurait de quoi qui n'aurait pas fonctionné. Mais parce qu'ils étaient en harmonie, on a pu louer le Seigneur, tout le monde ensemble. Même chose pour un orchestre. On est tous des instruments dans les mains de Dieu, tous différents. Mais lorsqu'on fonctionne en harmonie, bien, on devient uni. Et c'est là qu'on peut avancer, lorsqu'on est uni. Ça roule beaucoup plus vite. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc, vous connaissez certainement l'expression qu'on voit dans la Bible, d'ailleurs. Hein? Quelle expression qui ressemble à ça? Œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus revient avec ça en disant, on vous a dit d'être œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, non. Puis il va encore plus profond que ce qu'on a là, hein. Il va même à dire, quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Expression qui veut dire, vas-y pas, tu te fais frapper une joue, va pas leur frapper en échange, ça va pas être bon ça. Puis une citation, aucune idée qui a écrit ça, mais c'est quand même très bon. Une politique basée sur le principe de l'œil pour œil, dent pour dent, conduit en définitive à une société sans yeux et sans dents. Et imaginez la situation où est-ce que quelqu'un se fait frapper et que l'autre, par vengeance, décide de faire pareil. Quelle société tout croche qu'on va avoir. Lorsqu'on fait régner le mal, on s'en va dans la mauvaise direction. Verset 18, « Soyez en paix avec tous les hommes. » Puis le verset il est beaucoup plus large que ça. Hein? Verset 18, « En autant que cela dépend de vous. » Ok, je vais juste le reprendre. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ça veut dire que si vous avez offensé quelqu'un, ou si quelqu'un vous a offensé, il faut tout faire pour rétablir la paix. C'est ce que Jésus a fait avec nous. On a offensé Dieu par nos péchés. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il n'a pas dit, « T'es fait, oublie ça, viens pas avec moi, je veux rien savoir de toi. » Non! Il laisse les bras ouverts et dit, « Gars, je t'offre Jésus qui a payé pour toi. Tu veux-tu le prendre dans ta vie? » Et Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin. Si tu viens avec moi, je t'amène au Père, là où c'est merveilleux. » Là où on n'a plus à s'inquiéter de ce qui se passe sur terre. Un endroit où est-ce que l'unité va être à son paroxysme. Ça va être à son sommet. Il ne peut pas exister mieux en frais d'unité, d'amour, d'humilité, de persévérance, nommez-la tous. Donc, être en paix avec tous les hommes et toutes les femmes, évidemment, c'est dur. C'est pas évident. Il y a des raisons pour ça. On va le voir plus loin. Mais je pense qu'il y a une partie d'orgueil qu'on a travaillé tous là-dessus également. Ne vous vengez pas vous-même. Donc, on parlait hein, de vengeance. La vengeance, c'est comme la drogue. Ça fait du bien sur le coup, mais ça ne règle rien. Okay? Ça ne règle rien, et non seulement ça ne règle rien, mais il y a de fortes chances que ça rempire avec le temps, si tu continues à utiliser ça. Donc, allons pas vers ça. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Donc, Paul, encore une fois ici, il n'est pas en train de parler d'ennemis entre frères et sœurs. Ça n'existe pas, ça, des ennemis entre frères et sœurs. Dans l'Église locale, dans l'Église de Dieu, il n'y a pas d'ennemis. Okay? On est tous ensemble. Ce qu'il parle ici comme ennemis, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens du dehors. Et il faut faire attention entre ennemis de nos jours. Si, par exemple, j'ai un frère et une sœur dans ma vie, ou plutôt un ami qui ne croit pas en Dieu, le traiter en ennemi ne veut pas dire « je veux rien savoir de toi, oublie ça ». Mais non. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Regardez l'image. Je pense que ça exprime bien. On a des soldats qui ont capturé un ennemi. Et au lieu de le torturer, ils lui donnent à boire. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous comme chrétiens. Et ce passage-là nous dit même, « Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Des charbons ardents, moi, il a fallu que je fasse une petite recherche, là, parce que je ne comprenais pas trop la signification. Les commentateurs disent différentes choses, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que des charbons ardents, c'est ça, là, l'espèce de charbon qu'on retrouvait dans les barbecues, là, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains barbecues. Alors, ça sert à faire du feu, à réchauffer. Donc, ça sert à se réchauffer quand il fait froid et ça sert à réchauffer la nourriture, à la faire cuire pour pouvoir la manger. Le principe ici, c'est qu'à l'époque, et dans certaines cultures aujourd'hui encore, les gens, quand ils transportent des choses, ils les mettent sur leur tête. Donc, ils transportent une espèce de baril, puis ils s'en vont comme ça. On le voit encore dans des pays africains ou peut-être en Haïti même. Mais ce que ça dit ici, c'est que si tu donnes à boire et à manger à ton ennemi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Un commentaire disait, je n'étais pas là dans ce temps-là, fait que je me fie un peu là-dessus, il disait, si la personne, elle arrive pour faire cuire sa nourriture puis elle n'a plus de charbon ardent, ben elle va aller dans le village, elle va se mettre son plat en genre de métal et il va espérer qu'une voisine ou un voisin gentil va lui donner des charbons. Et parfois, il faut le faire même avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça dépend de sa survie. Et c'est un peu le passage ici, c'est de se rappeler que lorsqu'on aide quelqu'un qui ne le mérite pas, on fait exactement ce que Dieu a fait avec nous. On ne mérite pas d'aller au ciel avec lui. Mais il a pris soin de nous quand même en nous envoyant Jésus. C'est le message qu'il veut nous lancer ici. Regardons ensemble des attitudes maintenant qui favorisent l'humilité. Donc, dans le verset 10, on voit « user de prévenance réciproque ». Et le mot « prévenance » ici, en grec, ça veut dire « offrir des petites attentions ». Offrir des petites attentions aux gens qui nous entourent. Et ici, c'est par amour fraternel quand on regarde le contexte. Donc, offrir des petites attentions aux gens qui nous entourent dans l'Église. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Je pense que je vous le dis à chaque fois que je prêche. Après moi, le Seigneur, il m'a mis à cœur des passages de même pour me travailler moi-même en premier, mais l'orgueil, c'est une faiblesse que j'ai. Puis, j'y travaille vraiment. J'aurais aimé que ma femme soit là ce matin. Elle pourrait dire, pour la première fois, c'est vrai. Okay? Mais Paul nous dit ici de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Tant mieux si Dieu vous donne une position comme Daniel dans l'Ancien Testament ou comme David. Mais l'idée, c'est de ne pas aspirer, c'est de laisser Dieu agir et de faire la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire ici. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et bien, c'est ça. J'ai plus de misère avec ça, ce petit bout-là, mais j'y travaille vraiment. J'espère que vous faites pareil de votre côté. Oh, je vais avoir besoin d'un petit coup de main pour faire avancer ça. Laissez agir la colère, verset 19. Donc, encore une fois, si quelqu'un t'a fait du mal, verbalement ou physiquement ou psychologiquement, peu importe, laissez agir la colère. Ce n'est pas le temps de réagir. C'est le temps de prendre un pas de recul, de respirer, de prier, de faire confiance au Seigneur. Et très souvent, vous allez remarquer, lorsqu'on ne répond pas trop vite à une attaque, bien des fois, hein, le repos nous aide à relaxer. Le temps qu'on se prend, évidemment, on ne dit pas nécessairement de prendre 6 mois avant de régler une situation, mais un certain temps qu'on prend, on peut aller chercher conseil auprès d'hommes et de femmes matures. Mais d'aller en réaction, ça va à l'encontre de laisser agir la colère. On laisse reposer la colère. Si vous le sentez que vous allez lâcher une craque, là, vous allez dire quelque chose qu'il ne faut pas, sortez de là. Allez-vous-en chez vous. Priez. Surmonte le mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Donc, je vous ai dit qu'un mot qui ne doit pas rentrer dans une église, c'est le mot « ennemi ». On n'est pas des ennemis, on est des frères et sœurs, on est une famille. Le mot « mal » ne doit pas non plus prendre la place dans l'Église. On ne doit pas se laisser atteindre par le mal. Il y a des gens qui nous entourent, il y a peut-être des gens qui vont rentrer dans l'Église des fois, qui vont mal agir, mais ne laissez-vous pas embarquer là-dedans. Surmontez le mal par le bien. Regardons maintenant des attitudes qui favorisent la persévérance. Ayez du zèle. Hein, du zèle. Soyez actifs. Soyez bouillants. C'est un peu ça, là, un peu la même chose que soyez fervents. Ayez du zèle et non de la paresse. OK? Ça veut dire, soyez au-devant. Allez vers Dieu. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça veut dire, peu importe ce qui arrive dans ta vie actuellement, fonce puis sers le Seigneur. Ne te laisse pas abattre par le mal, ne te laisse pas abattre par des choses qui arrivent sur terre. Écoutez, si vous trouvez que ça va mal dans votre vie actuellement, mais dites-vous qu'il y a des millions de personnes qui vivent des sujets différents très certainement, mais qui se disent la même chose. Aïe, aïe, ça va donc bien mal. Puis pas besoin d'aller dans... En vrai, vous avez juste à regarder la première page d'un journal, puis ça vous en dit assez long à quel point ça va mal habituellement. Mais imaginez, dans votre propre vie, vous vivez la même chose. Mais le Seigneur, ce qu'il dit, c'est « Malgré ça, persévère. Viens-t'en vers moi, serre-moi. » C'est ça qui est important ici. « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Réjouissez-vous en espérance. Les chrétiens sont les seuls qui ont un espoir véritable de jours meilleurs. Profitez-en. Vous avez l'occasion, en tant que croyant, d'accepter la situation présentement qui n'est pas évidente et de dire, « Seigneur, je le sais qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent parce que je t'appartiens. Tu m'as sauvé. Le paradis s'en vient. » Ça, c'est toute une espérance. Personne d'autre au monde ne peut avoir une espérance comme celle-là. À la limite, dans certaines religions, il y a des gens qui vont dire, « Je pense que j'en ai fait assez pour peut-être aller à Dieu. » Il y a certaines religions où c'est comme ça. Les chrétiens, nous, c'est, « Je suis convaincu que j'en ai pas fait assez pour aller à Dieu. » Mais Jésus a payé pour moi. Soyez patient dans l'affliction. Lorsqu'on vit des épreuves, est-ce qu'on a vraiment le goût d'être patient? Non, on a hâte que ça finisse au plus vite. Puis, malheureusement, des fois, ça finit pas. Ça n'arrête pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est sûr qu'un jour, ça va finir. Sur terre, ça se peut que ça finisse jamais. Dieu n'a jamais dit que ça serait parfait sur terre. Mais au ciel, ça va être parfait. Puis, il y a un passage qui me vient en tête là, puis je me rappelle plus où dans une des lettres de Paul, mais qui dit de regarder, hein, vous vous rappelez, hein? Regardez aux choses célestes. Ne regardez pas aux choses terrestres. Vous allez trouver ça dur ici, là. Regardez aux choses célestes. Dieu nous attend les bras grands ouverts. En vrai, il prend déjà soin de nous. On est déjà dans la joie, sachant qu'il y a de quoi de merveilleux qui s'en vient. Et comment faire pour être patient dans les épreuves? Persévérer dans la prière. Et pour bien comprendre la prière dans un contexte d'épreuve, il faut bien comprendre la résilience. Est-ce que vous savez c'est quoi la résilience? Pour ceux qui ne savent pas, la résilience, c'est la manière dont on se relève après une épreuve. Alors, plus on est résilient, plus on va se relever après une épreuve, puis ça va bien aller. Puis, regardez, je vous montre trois tentes ici. Il y en a une qui est maganée, il y en a une qui a l'air pas si pire, puis l'autre là-bas qui a l'air assez ferme. Mais là, regardez ce qui se passe. Les trois tentes, qui sont trois individus différents, vivent la même épreuve. Il y a du vent. La première sur le bord, c'est un peu celle qui, pour toutes sortes de raisons, a décidé de se faire confiance. Elle va s'envoler bientôt, là. La deuxième, on voyait le piquette, hein, elle marchait sur trois piquettes sur quatre, là. C'est quelqu'un qui fait confiance à une certaine supériorité, mais que c'est une question de temps avant qu'elle s'envole, elle aussi. Et la troisième, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a passé vite, mais elle vit le même vent, la même épreuve que les deux autres. Il n'y a rien qui bouge. J'aime penser que cette personne-là, c'est le croyant qui a mis toute sa foi en Jésus-Christ. C'est le croyant qui dit, « Par moi-même, je n'y peux rien. J'ai besoin de Jésus pour qu'il me pardonne et pour qu'il m'amène avec lui. » J'ai besoin de l'imiter sur terre pour être une lumière pour les autres. J'ose espérer qu'on ait tous la tente du fond, qui malgré les épreuves, Dieu est là. Dieu est au contrôle. On lui fait confiance. Et Hier, je lisais le journal, je suis vraiment un... J'aime l'actualité. Peut-être que c'est pas bon des fois quand il y a trop de choses négatives. Mais avez-vous le Nouvelliste ici, vous autres? C'est la Tribune peut-être? Ou c'est... En tout cas, le journal régional de mon secteur, ils ont fait une étude, l'Université Berkeley aux États-Unis a fait une étude sur la résilience. Et c'est-à-dire, oui, c'est ça. L'étude sur la résilience a prouvé qu'après 30 minutes de méditation par jour, le schéma à l'intérieur, hein, on a comme dans le cerveau un lobe ici qui est la partie de la résilience. Après 30 minutes de méditation par jour, ce lobe-là se reconstruit pour offrir encore plus de résilience. Et j'ai pour mon dire, bien voyons donc, encore une fois, Dieu nous l'a déjà dit. Priez sans cesse. Faites-moi confiance. Essayez pas de gérer tout par vous-même. Ça va être encore plus dur. La pire personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est vous-même. Puis si en plus vous faites confiance à quelqu'un d'autre, ça peut marcher pour un temps. À un moment donné, il va vous blesser, il va se passer quelque chose malheureusement. Donc je ne suis pas en train de dire là, que je ne veux pas nécessairement être négatif dans ce que je dis là, mais portez vos regards vers Christ. Soyez dans la prière une demi-heure par jour. Ça peut paraître long pour certains, pas très long pour d'autres. L'idée, ce n'est pas nécessairement d'être assis en petite boule une demi-heure par jour, mais d'être constamment dans une relation de prière avec Dieu. Qu'on soit en train de conduire, qu'on soit au travail, qu'on soit avant de se coucher, soyez avec Dieu dans votre pensée, dans votre cœur. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, tantôt, j'ai passé tout droit, mais lorsqu'on demande d'être humble, bien, il y a eu une étude là-dessus aussi qui a été faite. Donc, la résilience, Dieu nous en avait déjà parlé, c'est juste qu'il a utilisé d'autres mots. Il nous a dit « prier sans cesse ». Premier verset que j'ai appris dans ma vie, 1 Thessaloniciens 5:17. Et l'humilité, il y a encore une étude qui a été faite là-dedans, alors que Dieu nous dit « soyez pas orgueilleux, soyez humble, rappelez-vous que sans moi, vous n'êtes plus rien, vous avez besoin de moi dans votre vie ». Et l'étude dit, écoutez bien ça, une chercheuse en psychologie sociale a montré que les gens humbles sont moins susceptibles d'être agressifs envers les autres, sont moins susceptibles de les manipuler ou d'être malhonnêtes. Et ce n'est pas tout. Les gens humbles gèrent le stress plus efficacement et affichent des niveaux plus élevés de bien-être physique et mental. Ils sont plus susceptibles d'être généreux, serviables et reconnaissants. Je veux être humble. Je veux vraiment être humble. Et je veux continuer à prier. Humilité, résilience. Si vous voulez être dans la persévérance, puis vous ne voulez pas être toujours en train de bûcher dans une épreuve, priez, soyez humble. Verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal. On a vu quelque chose semblable à ça tantôt. Donc, ne te laisse pas dominer par le mal. C'est tentant, nous sommes des humains. Nos enfants, ils ont à peine quelques jours, quelques mois, quelques années, on les voit pécher. Personne ne leur a montré. C'est en dedans de nous. Donc, plus on vieillit, plus on pêche, si on se laisse aller à notre mauvais côté. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Va à Christ. Il n'a jamais péché, Jésus. Il nous demande de l'imiter. Si Jésus est notre maître ce matin, on doit l'imiter. On doit aller dans son chemin, sachant que c'est le meilleur. Comment appliquer ça en tant qu'Église ce matin et dans les prochaines journées? Donc, on se rappelle que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Très beau bâtiment, c'est agréable, mais l'Église, c'est la famille que nous sommes. C'est le peuple de Dieu que nous sommes, dont Jésus est la tête. Et nous, nous sommes ses membres. OK? On est tous ensemble. Comment appliquer ce qu'on a vu ce matin? Comment appliquer l'unité, l'humilité et la persévérance en tant que peuple de Dieu? Bien, tout d'abord, rappelle-toi que tu fais partie d'un rassemblement de pécheurs. Ça fait mal, dis-le même. Mais au moment où tu rentres dans l'Église, au moment où tu vas faire une étude avec d'autres croyants, rappelle-toi, je vais me rappeler que je suis le pire des pécheurs en premier, hein, comme Paul le dit. Je suis le pire. Donc, en partant de même, je ne vais pas juger les autres que je vais croiser sur mon passage. Rappelle-toi surtout que nous avons besoin, nous avons tous profondément besoin de Jésus. Ce qu'on a vu ce matin, personne ici est capable de tenir toute la semaine. Personne ici est capable de faire tous ces beaux ces commandements-là ou ces applications-là. Personne n'est capable de le faire toute la semaine. Et si vous êtes capable de le faire toute la semaine, personne n'est capable de le faire tout le mois. OK? À un moment donné, il y a quelqu'un à quelque part qui va faire « Merde, je l'ai manqué celle-là. » Rappelez-vous qu'on a besoin profondément de Jésus. Jésus a payé pour nous. Et si ce matin, tu écoutes ce message-là, tu es peut-être ici présentement, c'est le fun, je ne vous connais pas, fait que quand je vous regarde, je ne pense pas nécessairement que vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, je ne le sais pas, seul Dieu le sait. Mais si ce matin, tu te dis, hey, c'est bon ça, puis c'est vrai, je ne serai jamais capable d'atteindre ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux faire partie de la famille de Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rappelle-toi que Dieu est parfait, que nous, on ne l'est pas, et que le seul chemin pour aller à un endroit parfait, c'est Jésus. C'est la seule façon, c'est de mettre ta foi en Jésus, de dire, « Seigneur, j'ai échoué cette semaine, je te demande pardon. Mais je le sais que tu me pardonnes. Tu es allé mourir à la croix pour ça, exactement pour ça. Tu as pris mes fardeaux, mes manquements, mes péchés, mes erreurs, ma folie. Tu as tout pris, tu es allé mourir à la croix. Et grâce à cela, tu me donnes l'accès au Père pour la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle on est réunis ici. Si on ne croyait pas qu'il y avait quelque chose de mieux, on n'a pas d'affaire ici. Ça reste des belles paroles. Mais non, on est dans l'espérance, dans l'espoir que cette vérité-là va s'accomplir. Lorsque Jésus dit « Je reviens bientôt », c'est vrai. Et lorsque on va mourir, quelle joie de savoir qu'on va être auprès de notre Père céleste qui va prendre soin de nous. Donc, n'oubliez pas votre besoin de Jésus. C'est la base du texte ce matin. Je ne vous le cacherai pas, là, quand j'ai commencé à étudier le texte, j'ai fait « Ah, des beaux principes, c'est cool, des beaux commandements, je vais donner ça à la gang. » Puis durant la semaine, j'ai fait « Ah non, OK, c'est parce que je ne suis pas capable de régler, je suis pas capable de réussir ça. » Ben voyons donc, je ne suis pas capable de réussir ça non plus. Aïe, aïe, je suis vraiment, je suis pas digne d'être devant vous pour vous apporter ça. Mais Jésus a payé pour ça. C'est pourquoi je peux être ici. Et finalement, ne regarde pas les autres après avoir lu les deux points d'avant. Je vous le dis, c'est tentant. Surtout si vous êtes un couple actuellement, c'est sûr que vous avez eu une pensée en vous disant « Ah, j'espère que ma petite chérie a compris un matin. Hein? » Ou si vous êtes peut-être, je ne connais pas vos relations ici, mais vous le savez, là, vous le savez, il ne faut pas aller vers ça. Ce matin, nous disons tous, ce texte doit me changer moi-même. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour, encore une fois, ta parole qui change nos cœurs, qui nous rappelle à quel point que par moi-même, je n'y peux rien, Seigneur. J'aimerais donc bien ça. J'aurais aimé ça être ici avec mon micro et pouvoir dire « Imitez-moi tous ». Ah, j'aurais aimé ça, il n'y a pas de doute. Mais Seigneur, ça c'est avant que tu viennes me sauver. Maintenant que tu m'as sauvé, que tu as transformé ma vie, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et Seigneur, il y a des gens ici qui ont besoin de reconnaître qu'ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Présente-toi à eux. Je te demande qu'ils puissent aller voir un pasteur ici ou peut-être la personne qui les a invités ou une personne en qui ils ont confiance dans l'Église et qu'ils puissent faire comme un homme a dit dans le livre des Actes. Hein? OK, mais on veut changer, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Demande pardon pour tes péchés. Reconnais que Jésus est là et qu'il t'a pardonné. Sois repentant. Et maintenant, Seigneur, on le sait qu'on ne comprend pas tout au début. Même encore aujourd'hui, après tant d'années, où est-ce que je lis ta parole, il y a des choses que je ne comprends pas. Merci de nous éclairer par ton esprit. Seigneur, rappelle-nous qu'on est tous à 30 secondes de dire une niaiserie. On est tous à 30 secondes de faire une folie. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Merci pour Jésus qui nous a pardonné ses manquements. Amen.